Quelques volets d'appâtés pour tout. Des réalités qui ne sont jamais ridicules. C'est l'innocence de quelques yeux qui regardent si. Une destination jamais si. Et moi, je te persécute t'avais pas sans cachette. Tant que c'est la veille visiteur qui mène les enfants au local de striptease. Et moi, je contemple la vie avec les mains dans ma poche. Ce sont des baisers volés donnés à l'homme de la routine. Baisers volés, comédie quotidienne. Qui remarque comme ils sont trompés. Comme ils font la sougourée. Comme ils l'aiment pas. Comme ils ne s'embrassent nulle part. Ces hommes d'être devenus qui se répètent devant la glace. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Quand la beauté d'un corps nous serait dans les bras pas son main. Les histoires d'amour, elles ne sont pas dans les livres. Même si elle n'arrive qu'une seule fois, autant de provisoires que la musique est devenue. Et moi, je te persécute de pas en cachette. Tant que c'est la babysitter qui manque des enfants au local de striptease. Et moi, je contemple la vie avec les mains dans ma poche. Ce sont des baisers volés donnés à l'homme. Laissez voler comédie quotidienne. Laissez voler comédie quotidienne. Les histoires d'amour, elles ne sont pas dans les livres. Les histoires d'amour, elles ne sont pas dans les livres. Les histoires d'amour, elles ne sont pas dans les livres. Les histoires d'amour, elles ne sont pas dans les livres. Les histoires d'amour.